On est dans le studio d'enregistrement, oui, et de répétition surtout du groupe Calbar, dans un lieu, on peut dire, tenu secret vers Donneville, donc pas du tout Absolument. secret. Ouais. Merci les gars d'accepter de faire cette interview pour parler un peu de vous et de des premières sorties de votre premier EP. Bah, déjà, comment ça va tous? Ah bah ça va super bien, j'ai l'impression. On n'est que mercredi Ouais. et ça commence super bien. On a passé un bon début de semaine et l'EP est sorti il n'y a pas très longtemps et du coup, Un petit mois là, ça y est. c'est ça, c'est Ça fait un oui, mois. ouais, oui, ça fait un mois, Un mois absolument. tout rond, j'ai Ouais, et vu. du coup, on commence à avoir un petit peu, à avoir des retombées, donc c'est super chouette, quoi, on est très content. Bon, écoute, effectivement, tu vois, nous on l'a écouté, on s'est dit qu'on allait venir vous en parler. Donc, Ah bah, c'est trop bien. Et t'en as yep. pensé quoi? On y vient après. On va se fâcher tout de suite. Oh, si je suis là, c'est que j'en ai pas pensé que du mal. On ne sait jamais. On va commencer par parler quand même de votre groupe, de comment vous en êtes arrivé là. Alors, j'ai vu que vous étiez formé en 2020, donc en 2020, Ouais, oui, c'est ça. Donc, absolument, ouais. je suppose en réponse au Covid. Pendant le Covid. Ouais, c'était vraiment pendant, quoi. Pendant le C'était le Covid. confinement et un petit peu juste. On a navigué, on avait besoin de faire de la musique, on avait déjà le projet qui était en marche, quoi, entre guillemets. Et on s'est retrouvés, on a commencé à faire du bruit chez Axis Music. Et voilà, puis le confinement a commencé et puis on a continué à faire de la musique chez Axis Music. Mais. Pas le dire. Ok. On a commencé une semaine après l'annonce du confinement, tu vois. Une semaine Ouais, après. on a commencé une semaine après l'annonce du confinement, mais faut pas Ouais. le dire. Donc c'est bon. Oui, Donc on avait nos dérogations. Ouais. dérogation. Ouais, c'est On a marrant. beaucoup promené nos chiens, ouais. Ouais. Ouais. Les On chiens en studio, ça a marche? beaucoup promené les chiens chez Axis, dont certains c'était complètement le bout de la ville, donc c'était une sacrée balade quand même, pour les chiens, qu'on n'avait pas d'ailleurs. On en a écrit des dérogations. Ouais. Bon, ça a été un peu le cas de tout le monde de toute façon. Ouais, je pense bien. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de vous réunir tous les quatre pour faire de la musique? Parce que je suppose que ça n'a pas été votre projet de toujours. Qu'est-ce qui a fait que ça a matché tous les quatre ensemble, là, que vous vous êtes dit, nous on va créer un groupe? Enfin, ça a commencé, c'était Fiston et moi, on a eu depuis longtemps envie de jouer ensemble. Et quand on a commencé à se dire bah il faudrait qu'on lance quelque chose, on a eu tout de suite, enfin, on a pensé, enfin, bah, Fiston a tout de suite pensé à Max, qui est un bon ami de longue date, et du coup ensuite, Chavo dans la foulée, pareil, à qui on a pensé pour la basse. Chavo et Max se sont rencontrés avec le groupe, On ne connaissait pas. D'accord. mais Et après, alors, ça sinon on va? était amis. Vous ne détestez pas encore? Ça dépend des jours, mais ça va. Sauf le mercredi. Sauf le Sauf le mercredi. mercredi. Ouais, voilà, et du coup, on s'est retrouvés. On avait pour projet de faire quelque chose. On n'avait pas vraiment de ligne directrice. On savait pas où on allait. Puis on s'est dit, bah, on va tester quelque chose. Le tout, c'était de partir sur une blague à la base, quand même. On aime le groupe Sleep. Tu connais, hein, avec Matt Pike. Et on s'est dit, bah, Sleep, Calbar. Voilà. Oui, Voilà. j'allais vous en parler de ce Ouais, ben magnifique voilà, nom c'est, mais qui. oui. Mais Sleep avec 2 E, Calbar avec 4 A, quoi. Tu vois, la supériorité dans le nombre, c'est de toute ça. façon. Que dans le Qu'est-ce que nombre. Sleep par rapport à vous, de toute façon? Bon, je pense que ça a été une bonne source d'inspiration. En tout cas, bah, après, on a des univers musicaux, donc on évolue tous dans des univers d'écoute très différents, quoi. Autant. Chavo, qui quand même est issu du black metal, je pense que je vais lui passer le micro pour qu'il en parle un petit peu, pour qu'il détaille. Ouais, donc moi je viens du death, du black metal, j'ai eu des groupes de black metal, de death. Donc c'est vrai que c'est pas trop mon truc, mais petit à petit j'y viens et c'est chouette en fait. Faire la musique avec les copains, c'est vraiment cool. Ouais, bah ça aide à oublier que c'est du doom et pas du Non mais death. ouais, mais non, je sais pas, et puis c'est un côté que j'avais pas dans mon jeu en fait, donc c'est ultra cool ça. Ça complète un peu le joueur que je suis quoi. Donc non, c'est chouette. Bah maintenant, il peut s'amuser à faire beaucoup, beaucoup de bruit et personne ne lui dit rien quand ça court. Tu vois, il fait Ouais. des grosses nappes et c'est super et on est tous très contents. Je suis pas obligé de mettre du maquillage, surtout. Ouais, il n'est pas Ah, obligé de mettre ça. le maquillage et l'armure. Et l'armure en cuir. Oh! Ah ouais. Et la capuche et tout. Enfin, Ah, c'était t'as eu des un groupes peu ça. sympas. Ouais, ça s'appelait Allégeance et c'était trop bien. Ça va pas se remonter? Je dis rien. Ah, on dit rien. Il y a des chances. Alors moi, s'il y a du cuir, de suite, je veux voir ça. Ah ben tu oui, ça, tu pourras voir, tu pourras voir. Ah ouais, c'est à Guichen, hein, ça c'est clair, on peut le dire. Scoop, ouais. Bah, Fiston, lui, c'était Death et Grind et Punk, hein, plutôt. Ouais, ouais, ouais. Bah, pour le coup, votre nom est très grindcore. Ouais, alors on nous l'a souvent dit que ça faisait très grindcore, ou on nous a aussi comparé avec un nom pareil à un genre d'ultra vomit local. Mais en fait, quand les gens nous ont entendu, ils ont compris qu'on était sérieux. Ouais, moi je suis plus joué de la basse dans un groupe qui existe toujours, un groupe de Death Black qui s'appelle Blinded. Quand je conseille vivement aussi, ils ont sorti un premier album qui est vachement bien. Et je suis dessus, donc c'était cool. Et du coup, j'étais à la basse et Kalmar, c'est mon premier groupe à la batterie, en fait. D'accord. Je me suis mis à la batterie en même temps qu'on a commencé le groupe. Le jour même, je crois. Hein, je suis venu avec une cymbale et ma bite et mon couteau, et j'avais oublié mon couteau. Et ouais, voilà, on a commencé comme ça. Et puis Max aussi, bon, je préfère le laisser en parler parce que c'est pas. Voilà. La police est encore sur le coup. Alors, qu'est-ce que tu as à te reprocher? Bah, du coup, moi, je suis pas guitariste, en fait. Je suis bassiste aussi, à la base. Donc, on est trois bassistes dans le groupe. Et j'avais déjà gratouillé un petit peu, mais dans mon coin, vite fait à l'arrache. Et du coup, pareil, je me suis mis à la guitare pour ce groupe-là. Okay. Donc, c'est chiant, il y a trop de cordes. J'aime pas. Hein. D'accord. Et c'est vrai qu'après, bon, Chavo était plutôt black et tout. Moi, j'ai joué dans quelques groupes qui n'existent plus maintenant. Okay. J'avais eu un groupe de punk un peu grunge où j'avais fait un peu de batterie dedans sans trop de réussite, et du coup moi je suis quand même très stoner de base, quoi. Okay. Frange stoner rock jusqu'au sludge, ouais. C'est vraiment plus mon truc déjà. Bah, presque c'est toi qui as le passé qui se rapproche le plus du doom, parce que ce côté sludge ou voire stoner a tendance à glisser plus vite vers du doom que du black, par exemple. Ouais, je suis d'accord, parce que tu gardes quand même un côté très rock'n'roll plus que metal. Après, les différentes couleurs qu'amène chacun, en fait, c'est vachement intéressant. Et je pense que même si on va avoir des groupes qui vont nous influencer, on a parlé de Sip tout à l'heure, mais tu pourrais prendre des trucs comme Monolord et tout, c'est des choses qu'on cite facilement en référence. Mais je pense que bah, petit à petit, on arrive quand même à se forger une espèce d'identité un peu sonore qui est ni trop Sip, ni trop Monolord, ni trop plein de trucs. C'est juste, voilà, ça ressemble à du Kalmar, quoi. Ouais. Ouais. Ouais, puis même sur Sleep, pour le coup. Putain. C'est tout, hein. Mais sur Sleep, du coup, c'est vrai que, à part le fait que ça a été aussi. Ça nous a amené à discuter d'un projet de groupe, musicalement, c'est pas tellement nos influences. C'est dans ce qui ressort de Kalmar, de notre son, on n'est pas trop. On ressent pas. C'est plus Iron Fire que Sleep. Ouais, voilà, mais j'irais plus même sur la branche un peu plus moderne, tu vois, la Monolord, effectivement, ce genre d'esprit-là, c'est plus ça qui ressort. Bah, c'est aussi, moi, je suis arrivé, je fais de la guitare, je jouais un petit peu dans des groupes avant, enfin, il y a très longtemps, et refaire de la musique, ça avait été, après 10 ans à ne pas faire de musique avec des gens, je me suis remis, et il a fallu décider... Ouais, il va falloir qu'il y en ait un qui chante, quoi. On s'est tous regardé comme ça. Bon, ils ont dit, c'est toi. Bon, du coup, j'ai dit d'accord. Parce que, qui chantent juste. ça demande du travail. C'est pas encore toujours au point, tu vois. Mais bon, on bosse, quoi. C'est toujours l'idée. Et puis, c'était le défi un peu. Puis j'y ai pris goût, hein, finalement. Donc, on continue. Hein. Ouais, être sous le feu des projecteurs, ça fait toujours plaisir. Ouais, je sais pas. Pendant longtemps, on a eu une configuration sur scène où justement, on me foutait sur le côté, histoire que je sois plus à l'aise. Tu vois, j'étais pas c'était le bassiste, bassiste au milieu, guitare sur les bords, tu vois, histoire d'avoir une symétrie et une excuse pour me foutre sur un côté, tu vois. Et maintenant, ça va, quoi. Tu vois, il y a plus de soucis. Mais c'est le début. Maintenant, tu les pousses. Non, pas jusque là. Ouais. Après. J'aime bien, ça se voit pas sur scène, tu vois, mais ma frange, c'est Rhapsody of Fire, ça c'est ce que j'écoute, tu vois. Ah oui. Moi, j'aime le epic metal, tu vois, attends. Non, et blague à part, un peu quand même, voilà. Ouais, ouais. Ouais. Ah ouais, mais moi, ça parle d'épée et d'elfes, je suis là, ah ouais, super, c'est trop bien. Il rigole pas du tout, il C'est vrai, putain, je te montrerai. Oh, tu sais, j'ai, y a le récap là, de Spotify qui est sorti. Je vous montrerai pas, mais ouais, c'est... ouais, même moi ça m'a surpris. Tu vois. Ah, bon, on a tous ces groupes qu'on n'assume pas trop. Bon, après, si c'est tout en top, c'est inquiétant par contre. Non, non, non, j'assume les trois premiers, quoi. Ouais. Non, non. Donc on va parler du quatrième. Non, c'est bon, c'est pas la peine. Hein. On va passer. C'est que mercredi, hein. Ah, ouais. Mercredi. Je crois que c'est Blood Down Gang, le quatrième. Non, ça, bon, ça va. Ouais, c'est bien. Pire. Ouais, enfin bon, ça va. Attends, t'as pas honte de Rhapsody of Fire, mais t'as honte de Blood Down Gang. Ouais. Moi, ça serait bizarre. Ouais, ouais, okay. Ouais. Ah, Rhapsody of Fire, c'est chaud, c'est du chaud, quoi, tu vois, c'est... Ah oui, c'est, bah, y a, c'est puissant, quoi. Que ça, ouais. D'ailleurs, non yeah, ouais, je suis pas power, moi. Donc mais ouais, voilà, mais ouais. Mais c'est un truc... C'est hyper clivant. Naturellement, non. C'est hyper clivant, le power. Enfin, c'est vraiment... C'est un style qui est tellement... Soit tu aimes, soit tu détestes. De niche, quoi. C'est un corps du métal, le truc, tu vois. Ouais. Oui, je veux être sûr, hein. Ouais, je veux être sûr qu'on l'ait entendu. C'est vrai, le power, c'est la coriandre du métal, tu vois. C'est oui ou non, c'est génétiquement, t'es programmé pour aimer ou pas. T'as pas le choix entre les deux. Ok, bon, bah écoute. Voilà, voilà, c'est, vous le saurez. Bah, pour en revenir un peu plus à votre musique que vous faites, bon, vous avez quand même les éléments, on va dire, un peu de base du Doom, tempo lent. Bien lourd, la voix qui se marie bien avec, mais vous avez toujours dans les morceaux un moment où ça monte, ça part, on envoie tout et on vient flèche. Couper un peu tout ça. Ouais. Ouais. C'est. Ben, en fait, au début, on va pas se mentir, les 4-5 premiers morceaux, c'était 5 styles complètement différents. On avait un morceau hardcore, un morceau doom, un morceau sludge, enfin vraiment... Et au fur et à mesure, on s'est rendu compte qu'en fait, bah ouais, on aime bien les tempos lourds et de ça, mais dans la chanson, on a besoin d'un moment où ça bastonne, quoi. Ça part, ouais. Clairement. Et puis même, tu vois, Flo, il se met de plus en plus à faire des voix un peu chantées, aiguës, moins criées, en fait. Mm-hmm. Et justement, ça se marie bien avec moi qui gueule derrière en mode un peu voix Black Death. On a trouvé un équilibre qui est vraiment, qui commence un peu à être notre signature, quoi. Et c'est vraiment chouette. Et du coup, donc on le disait tout à l'heure, vous avez sorti il y a un mois à peu près votre premier EP, en tout cas officiel, parce que tu viens de parler de plus de titres que ça, donc vous devez en avoir encore un peu sous la semelle, mais qui n'est ouais, pas officiellement sorti, on va dire. On n'enregistrera certainement voilà. Pas d'ailleurs. Ouais, il y a des choses qu'on n'enregistrera pas, il y a des choses qui se préparent aussi, on aimerait bien là, commencer à... On bosse sur, on a pas mal de nouveaux morceaux. Ouais. Qu'on prépare pour les prochains sets. On va essayer de commencer à démarcher aussi un petit peu pour du festival et avoir des dates pour l'année prochaine. Là, surtout qu'on a signé donc ce premier EP qui est sorti chez Argonauta Records sur leur branche Octopus Rising, qui est une branche de leur label. Et c'est déjà génial de signer sur un premier EP. On était hyper contents. Et c'est vrai que derrière, ils ont fait un gros boulot avec Grand Sound Promotion qui ont pu relayer l'information. Ouais. On a eu plein de contacts. On a eu, c'est sorti sur pas mal de magazines, sur pas mal de supports. Les plateformes fonctionnent bien. Mmh. Il y a Widian, je ne sais pas si ça te parle. C'est un YouTuber, un mec qui a enfin, une sorte d'influenceur du Doom, tu vois. C'est un d'accord. Mec qui a des chaînes à YouTube où il sort des albums, il fait un peu de promotion des groupes, il fait plein de choses. C'est très intéressant. Il a un gros réseau. Nous, il a écouté ce qu'on a fait, il a republié, ça nous a fait un gros boost dans les écoutes. Donc ça marche, tu vois. On a sur le Bandcamp, on commence à vendre un petit peu du CD aussi, quoi. Enfin, ça fait plaisir. En fait, t'as un retour comme ça. Et donc, on se dit, là, c'est le bon moment. Là, on va amorcer un petit peu pour aller voir du festoche, enfin des choses un peu à notre échelle aussi, tu vois. Et donc le Desert Fest et le Hellfest, quoi. Tu vois. Oui, normal. Voilà. Bah oui, on commence. En même temps, enfin, je pense que vous pouvez prétendre à fermer une journée. Hein. Ouais. Okay. Ouais, voilà. Après Rhapsody, quoi. Ah ouais. Sur le parking. Ouais. S'ils pouvaient les programmer sur le parking à l'avenir, ça serait plutôt bien pour l'ensemble des festivaliers. Au Leclerc de Clisson. Tu rigoles, mais ça fait déjà une belle scène. Hein. Ben oui, mais et franchement, tu sais quoi, on va le faire. Hein, je pense qu'on va. Bah, c'est histoire de rigoler. Quoi. Mais là où ça passe. Ben voilà, bon, tout ça pour dire que ça a démarré avec le label, etc. Et donc. Bah, pour nous, c'est un bon tremplin et c'est une chose qui nous permet de se dire qu'on a bien bossé et qu'on a envie de continuer de sortir des choses, donc préparer un album, etc. pour la rentrée. Donc commencer à démarcher les festivals, bosser sur un album, voilà, c'est un peu les prochaines choses qui arrivent. Quoi. C'est cool. Ouais. Alors, initialement, ma question, je voulais surtout l'amener sur la thématique que vous abordez dans A.I. McGoth. Si je dis pas de bêtises sur le nom. Ouais. Donc, après quelques recherches, j'ai vu que c'était lié à World of Warcraft. Erreur grossière. Non, alors, ça, c'est toi qui avais sorti cette connerie de World of Warcraft. Non. C'est vous, les gamers. Moi, je suis pas. Ah ouais, non. Alors, déjà, c'est Divinity Original Sin 2. Ok. Alors, Studio Larian, si vous nous regardez. Merci pour Baldur's Gate, effectivement. Ouais, mais bon, non, c'est un boss de seconde zone dans un jeu de vidéo auquel on jouait ensemble avec Fiston. Et bref, un mec qui nous a donné beaucoup de fil à retordre. On s'est dit, le nom est cool, le personnage est rigolo. Et puis, c'est parti d'une blague à la base. Et finalement, c'est récurrent. Et ce mec est devenu une espèce de. En fait, on a battu une espèce d'histoire autour de ce personnage de Mangoth, qui est une espèce de sorcier, semi-divinité, hein, qui maîtrise les nécroflammes, qui sont des flammes maudites que tu ne peux pas éteindre. C'est emmerdant dans les endroits confinés. Ouais. Quoi. Voilà. et voilà. Et donc Mangoth, ça parle de lui et d'un culte qui lui est voué, une sorte de sorcier. On ne voulait pas parler de Satan ou de. Ouais. C'est pas notre délire, quoi. Mais. Voilà. Oui, ça sort un peu. Et du coup, ça rejoint le power, tu vois, un peu. C'est vrai, tu vois, ce côté. Je crois que t'es tout seul dans le groupe à partir de ce soir. Ouais, ils le savent pas, mais c'est. Oui, bon, après, on est deux à écrire les textes. Et c'est vrai que ça parle de drogue quand c'est Max. Hein, et ça parle de Mangoth quand c'est moi, quoi. Voilà. Ouais, c'est vrai. Tu veux parler un petit peu de. Tu veux parler un peu de drogue? Drogue, non, ne le faites pas, les gens, c'est pas bien. Pour le moment, on a été deux à écrire les textes. Il n'y a pas eu forcément d'ordre ou de truc défini. C'est vraiment quand on a un peu de matière, on propose et si ça passe, ça passe. Quoi. Moi, je connaissais pas Mangoth. Ouais. Donc, c'est vrai que j'écris un peu avec les trucs qui me passent par la tête. Okay. Pas que des drogues. Et ça a été un peu pareil aussi, en fait, autant les textes que tout ce qui va être idée de riff ou même partie, machin. Chacun propose un peu, suivant les inspirations, il n'y a pas vraiment de rôle défini, quoi. Et c'est aussi intéressant parce qu'au final, il n'y a pas d'obligation de réussite, t'as pas un truc à produire, tu vois. Tu dis pas, tiens, il y a deux répètes où j'ai pas sorti un truc, il faudrait peut-être que je me bouge le cul. Non, c'est vraiment... La plupart du temps, en début de répète, on fait un genre de buff pour chauffer un peu. Et souvent, des idées qui sortent, quoi. Souvent, le meilleur morceau. Ouais. Premier morceau de la répète, c'est le meilleur morceau qu'on fait. Que normalement, vous n'allez pas refaire derrière. Absolument. Et on fait, c'était bien, on le retravaille. On fait, ah non, c'est moins bien quand c'est retravaillé. C'est pas aussi bien que quand c'est sorti brut, tu vois. Bah, c'est... Puis après, on fait nos chansons et là, c'est déjà moins bien, quoi. je sais pas, t'avais autre chose à rajouter? Non, sur les thèmes, en gros, ça va être ça, tu vois, on navigue dans cet univers un peu mystico-drogué, donc... Qui va avec le style toute verte. Ouais, c'est la salle, je sais pas si... Regarde les lumières autour de toi, là. T'as du violet, du vert partout. Ouais. La salle qui est tatoueur à Toulouse, qui fait de l'illustration aussi, et qui nous a fait la belle pochette de... Le logo qui est derrière, tu verras pas. Mais bon, vous verrez le logo. C'est la salle qui l'a fait, voilà, on le remercie, parce que c'est un bon copain, et il a fait un super taf sur ça. Et on a enregistré chez Yves aussi. Ouais, chez Yves de Rock, les productions du Chauve. Ceux qui veulent enregistrer chez les productions du Chauve, c'est super bien. Voilà. Et il met vraiment à l'aise, il est très bon conseil. Parce que bon, on va pas se le cacher. Hein. Je pense que pour nous, c'était... Non, Fiston, tu avais déjà enregistré, toi? Ouais. Mais pour nous... Moi, j'avais enregistré dans mon salon, pas en studio. Oui, ben voilà, c'était notre première expérience studio, et ouais. C'est vrai que bon, ouais. Un peu caca-culotte quand même, hein, on va pas se mentir. Donc il est vraiment un super bon conseil, il est adorable, vraiment à l'écoute, il prend le temps, si t'as besoin de refaire des trucs, il y a pas de souci. Gros taf, super qualité. Puis tout style, parfait, quoi. Tout style. Ouais. Parce que lui, il est plutôt issu de la scène punk en fait, et, mais il fait vraiment tout style, il le fait sonner de ouf, quoi. Et en plus de ça, c'est un gros geek de matos de guitare. Ouais. Du coup, il a une vraie exigence sur comment ça doit sonner, comment ça doit, tu vois. Enfin, c'est un gros fan de saturation, donc à partir du moment où tu commences à foutre de l'overdrive, du fuzz ou de la disto, il est vraiment à l'aise, il sait comment ça doit sonner et il n'hésite pas à aiguiller tout ça, tester du matos parce qu'il a des watts milliards de trucs chez lui. Donc non, super expérience et super bien, quoi. Ah, il nous a sonorisé aussi pas mal de concerts. Ouais. Vraiment un chouette type. C'est vrai que pour ouais. Le coup, en plus, votre EP sort très propre, on va dire, pour, ouais. une première proposition. On entend bien tous les instruments. C'est pas écrabouillé comme on pourrait avoir peur, justement, sur des premiers EP faits. Mmh. Ouais, carrément. Du ouais. Coup, c'est pas fait maison parce que c'est quand même, vous avez quand même été très bien aidé là-dessus. Ouais. Et ça se sent. Que ça a été très bien travaillé. Eh bien, c'est cool, parce que c'était le but. J'avais ouais. Fait le son. Oui, oui mais je t'avais pas vu, ça m'a fait ça. C'est surprenant. C'est ça la première fois. Je vais te prendre partout. Merci. Ouais. Toi, t'es en boucle. On va faire parler Fiston après un peu. Là, il commence. La prochaine est pour toi. Ouais, bah écoute, ça un peu. Wow. En plus, ça va être un peu ma dernière. Ok. Je pense que... Non, titre, non, ça marche pas là. Non, non, pas là. Je vais pas le faire à chaque fois, sinon ça va commencer à être vraiment compliqué. Ouais. Je vais vous parler un peu concert. Parce que, ouais. Alors moi, j'ai jamais eu l'occasion encore de vous voir sur scène. Pierre-Louis, donc du groupe Ten Fate, m'a dit que du bien de vous quand on a discuté de vous. Bon, il a aussi dit un peu de mal humainement, mais ça va. Ouais. Bref, on en parlera pas. C'est de bonne guerre. Oui, et puis quand c'est mérité, c'est pas grave. Voilà. Voilà. Donc voilà, moi ma question c'est à quoi il faut s'attendre quand on va voir Calbar en concert? Est-ce que c'est des slips sales qui volent un peu partout ou est-ce que ça reste quand même assez sérieux? Alors il n'y a jamais eu de concept de slips sales. Pas dire qu'on n'y a pas pensé quand même. Mais non, on est quand même assez sérieux dans le truc. On essaye de. On prend des douches, hein. T'inquiète pas. Pas toujours. Enfin, pas tout le monde, mais... C'est pour ça qu'il est dans le fond. Absolument. C'est pour ça qu'il y a une barrière en bois entre eux et moi. Non, après, on est quand même assez sérieux et tout. On essaie de mettre en place un peu, sans vouloir être non plus grandiloquent, mais une espèce de scénographie avec des lumières et tout, des trucs qu'on aime bien, les machines à fumer, ce genre de trucs et tout, histoire de mettre l'ambiance. Et on aime bien... Ouais, le côté un peu pesant de l'ambiance aussi, quoi. Alors, on n'a pas forcément notre ingé lumière attitré et tout, mais on aime bien avoir une ambiance verte, déjà, parce que le vert, c'est cool. Et puis, voilà, il faut vraiment que tu aies quelque chose à rajouter, je sais pas, en live. Bon, on aime bien que ce soit la guerre, quand même. Ouais. Évidemment. Alors, on aime jouer fort. On aime jouer fort. On aime jouer fort. Et puis, défaut de jouer vite, ouais. C'est ça, voilà. C'est... Non, après, c'est, voilà, comme il a dit, ambiance en fumée verte et avec beaucoup de volume de son. Et, ouais. Et il faut s'attendre à du dandy de Mandours dans la fosse, quoi. Cool. Voilà, c'est un peu ça. D'ailleurs, si tu n'as pas eu l'occasion de nous voir, la prochaine à Toulouse, ce sera, je me rappelle... Le 19 avril, à l'Engrenage. 19 avril à l'Engrenage, okay. Avec deux autres groupes du label, d'ailleurs, Witchorius, un groupe de Paris, un trio qui tabasse grave aussi, hein, beaucoup plus doom que nous, mais... avec un côté un peu sludge aussi, et Askenosi, qui eux sont carrément doom, vraiment, pas funéral, mais pas loin quand même, quoi. Okay. Et qui tabasse grave aussi, et ça va être bien stylé, ouais. Ah, justement, c'est ce que j'allais vous demander, est-ce que vous aviez des dates de prévues, donc celle-là, et d'autres après ou vous avant, on a le... En janvier, on va à Marseille. En janvier, on joue à Marseille, ouais, avec Askenosi d'ailleurs, entre autres, et Voidozer aussi, qui sont des locaux, des copains, qu'on salue. Et voilà, après, non, on n'a pas encore d'autres trucs de prévues. Voilà. Ouais, bon après. La direction de la salle gueule le 18 janvier. À Marseille. Ok. Donc pour les Toulousains les plus courageux, il faut faire le déplacement. Et ouais, sinon, venir avec nous. Et on a besoin de chauffeurs parce qu'on va picoler. Et il en faudra plusieurs des chauffeurs parce que ça va vraiment picoler grave. Ouais, du coup, il faut louer carrément un bus entier Ouais, si pour possible, déplacer. ouais. Si possible, moi, perso, je voyais plutôt le train, bah, histoire de l'écologie. Non, d'accord, non, bah, j'ai rien dit, De alors quoi? calmez-vous. Bien sûr, hein. Si, Ouais, si, mais c'est bien. l'économie, plutôt, ouais, Laisse-moi deviner, l'économie. la batterie, ils te la fournissent sur place. Absolument. Oui, Ah bah oui. pendant que les autres vont traîner les guitares. Exactement, ouais, tout à fait, Du coup, ouais. le train est une bonne idée. Pour une fois que c'est pas moi qui traîne la batterie, je vais pas me plaindre, quand même. Quoi? Non, mais on la trimballe toujours pour toi. Ah ouais, quel gros bâtard. C'est incroyable, quoi. C'est moi Et qui c'est parti! j'ai le micro, j'ai le pouvoir. Fight! Ouais, après, si t'as aucune autre question qui te vient comme ça spontanément. Non, là, comme ça, non. Justement, ben, moi, j'allais terminer en recommandant aux gens d'aller ben, vous écouter. Mais bon, si déjà ils sont arrivés au bout de l'interview, c'est qu'ils avaient vraiment envie de. Bah, Bravo! tiens, d'ailleurs, Bravo. on l'a Vous dit. avez Même lui, ça a été compliqué pour vous dire. Moi, je voulais aussi rajouter un truc, c'est que j'aime beaucoup ce qui se passe dans la scène Doom en ce moment parce qu'il y a un vrai renouveau avec des groupes qui arrivent et qui apportent toujours une petite originalité, un petit truc ou qui arrivent toujours à faire un son plus lourd, bon, plus lourd que Conan, des fois c'est compliqué, mais il y en a qui arrivent. Je pense à Primitive Man ou ce genre de trucs que j'aime beaucoup aussi qui sont même pas des influences pour nous parce que voilà, on est des merdes, on mérite pas, mais je sais pas, enfin moi je trouve que la scène, même locale aussi, il y a pas mal de groupes qui se Surtout lancent un peu dans l'aventure. Sur Toulouse, il commence à y en avoir quelques-uns qui valent vraiment le coup. Et puis voilà quoi, ça pour ça le fait coup, ça fait plaisir. plaisir parce que enfin, le Doom a toujours été quand même un style de niche, Un petit peu, ouais. donc c'est aussi oui, bien cool pour vous et pour les autres groupes si commence à y avoir une reconnaissance, Oui. même en taille raisonnable. Bon, Primitive Man, c'est déjà. Primitive Man, c'est déjà énorme Ah oui, maintenant. mais enfin moi en plus j'ai bien aimé le pont qu'ils ont fait parce qu'ils ont fait une tournée avec Esquela Grind qui est un groupe de grind absolument génial et comme quoi en fait le doom et le grind sont assez proches, c'est ça aussi qui me plaît en fait. Il y en a un qui est extrêmement speed et l'autre qui est extrêmement lent et pourtant ils se rejoignent quasiment et c'est le genre de truc que j'aime bien quoi, tu vois. Napalm Death et un groupe de doom derrière, ça me choquerait même pas, tu vois. C'est le genre de truc que j'aime bien. Voilà. J'ai envie que Chavo il dise quelque chose. Quelque chose. Dis-le dans la mousse. Quelque chose. Ah, Flo s'est lâché. Ah, alors on va mettre un peu l'ambiance. Ah, je me sens vise en plus là. T'as l'impression d'être sur scène avec nous, hein? Ouais. On n'arrive pas à s'en passer, même quand c'est comme ça. Je comprends. Bon, bah, écoutez les gars, merci beaucoup. Oui, bah, je pense Merci que à vous avez vous. déjà à peu près tous dit votre un dernier mot, à peu près. Non, Les Chavo, chats. Chavo, Ouais. quelque chose? Les chats. Venez nous voir en concert, c'est cool. Et puis on a des CD, venez acheter. On a besoin d'oseille pour produire le deuxième album. Claquer la thune, on a aussi des t-shirts, on va faire des serviettes de plage On va aussi. faire des Euh, calmars. on vient pour les mariages, voilà. Donc n'hésitez pas, On pensez à fait nous. les parfums de vin. On fait tout, On va on faire fait un tout. café vegan. Rien d'autre? Non. Bulle. Bulle. Ok, bulle. Merci beaucoup. Merci les gars. Au top. Merci.